Bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue sur Radio Gamozo 107FM. On se retrouve cette semaine pour une nouvelle édition de votre émission sur l'histoire du cinéma intitulée La Christoire du cinéma. Je m'appelle Chris et je serai votre hôte aujourd'hui pour cette émission. Comme je vous l'avais promis lors de la dernière émission, après avoir abordé la première partie du style animé ainsi que son histoire, nous allons parler aujourd'hui de l'historique du style animé, de sa fabrication, de son adaptation, des seiyuu ainsi que des compositeurs de musique pour animé, et ceci sera la deuxième et dernière partie. Les prémices du dessin animé se trouvent, comme vous le savez déjà si vous avez écouté les dernières émissions sur le cinéma d'animation, dans les pantomimes lumineuses d'Émile Reynaud. L'histoire des animés commence au début du XXe siècle, en 1917 plus précisément, faite par quelques pionniers suivant les traces des Occidentaux, en particulier de France. Après quelques expérimentations, une longue période suivit où la production fut réduite à quelques courts-métrages, quelques commandes de l'armée seulement, ou des cinémas. Il fallut attendre jusqu'à il y a 56 ans, en 1963 précisément, pour qu'apparaisse Astro Boy, une série animée adaptée du manga d'Osamu Tezuka, Astro le petit robot. Cette série est la première grande série animée dotée de personnages récurrents au sein d'une histoire suivie. Les années 1970 virent l'explosion de grandes franchises comme Lupin 3 en 1971-1972 et des séries de mechas, les mechas étant des personnages utilisant des armures robotisées comme Mazinger Z ou encore Yamato. Les années 1980 montrent un fort développement du space opéra qui est un sous-genre de la science-fiction. Dans les années 1980 apparaissent également les Original Video Animation ou OAV ou encore le Hentai, terme utilisé pour caractériser des mangas ou des animés à caractère pornographique. Les années 1990 sont marquées par plusieurs œuvres choc très recherchées comme Neon Genesis Evangelion d'Hideaki Anno, sorti en 1995, abordant des sujets philosophiques, ou encore Ghost in the Shell d'Oshi, sorti en 1995 également. La fin des années 1990 et les années 2000 voient un fort retour des œuvres commerciales utilisant des schémas bien connus visant essentiellement un public très jeune et ayant fait leurs preuves. Nous pouvons donc citer Pokémon en 1996, Yu-Gi-Oh! En 1997, Digimon en 1999, Beyblade en 2001 ou encore Mahoromatic en 2001 également. Évidemment, tous ces succès sont les fruits de plusieurs et différents studios d'animation et de production. C'est ce qui nous amène à la deuxième partie de cette émission sur la fabrication des animés. Du début des années 1980 jusqu'aux années 1990, les maisons de production franco-américaines Saban et DIC, qui signifie Diffusion, Information et Communication, ont eu tendance à supprimer les crédits des auteurs des séries importées ou coproduites. Ulysse 31, Jace et les Conquérants de la Lumière, Les Mystérieuses Cités d'Or sont autant de séries associées à des sociétés de production occidentales. En réalité, elles étaient produites en collaboration avec des studios japonais tels que Studio Junio, Studio Pierrot ou TMS, et des réalisateurs et caractère designers tels que le directeur d'animation Shingo Araki, né le 1er janvier 1939 dans la préfecture d'Eishi et décédé le 1er décembre 2011, ou la caractère designer Michi Himeno, né le 1er août 1956. Beaucoup d'animés japonais ont été sujets à des adaptations. C'est ce qui nous amène à la troisième et dernière partie de cette émission. Voyons donc maintenant la dernière partie sur l'adaptation dans différents pays. Commençons donc par la Japanimation. Le terme « Japanimation » regroupe simplement la totalité de l'animation japonaise. Ce terme fut créé du fait de la spécificité de la production locale par rapport à celle du reste du monde. En effet, là où l'animation occidentale est souvent considérée comme destinée aux enfants, l'animation japonaise bénéficie, dans ses sujets, d'un traitement proche du cinéma en prise de vue réelle, abordant quasiment tous les genres, y compris la pornographie, donc le hentai. Ensuite, la Japanimation est arrivée en Europe. C'est dans les années 1970 qu'arrivent les premières séries japonaises sur la première chaîne de l'ORTF. Ces premières séries étaient entre autres Le Roi Léo en 1972 et Le Prince Saphir en 1974. Cependant, ce sont par la suite des séries principalement issues de collaborations entre des compagnies européennes et japonaises qui sont diffusées avec Vic le Viking en 1974, Maya l'Abeille en 1975 ou encore Les Trois Mousquetaires en 1981. À partir de Goldorak, qui connut un énorme succès, l'animation japonaise fit une entrée en force sur les chaînes de télévision françaises. Dans la foulée de ce qu'on appelle l'effet Goldorak, d'autres séries japonaises cultes furent lancées en 1979 dans l'émission Recréa 2, telles que Candy ou Albator. Il s'ensuivit une deuxième vague de séries animées avec les fameux Tom Sawyer, Rime sans famille ou encore Cobra qui ont marqué l'ère Recréa 2. Au début des années 1980, la France ne fut pas en reste et des Français produisirent aussi des séries à succès en s'entourant d'équipes japonaises. Ainsi, Jean-Charles Lopin créa des séries comme Ulysse 31 en 1981, puis Les Mystérieuses Cités d'Or en 1982 et Inspecteur Gadget en 1982 également. De très nombreuses séries japonaises sortirent après 1980, mais le genre fut noyé dans le flot de l'animation enfantine, les télévisions opérant une sélection rigoureuse dans la production japonaise. Voyons maintenant ce que cela donne en France. Avec l'arrivée des chaînes privées, à la suite de la déréglementation de 1986 et de la privatisation de TF1 en 1987, la jeunesse devient un enjeu de sensibilisation et de véritables unités d'émission jeunesse sont mises sur pied, comme le célèbre Club Dorothée sur TF1. Ces unités jeunesse trouvent dans la production japonaise un flot important de séries, qui plus est à bas coût. Par ailleurs, la concurrence nouvelle et exacerbée entraîne une recherche de l'émotion et du dynamisme qui trouvera un cadre idéal dans la japanimation et amènera petit à petit à certaines dérives. En 1988, alors que la 5, maintenant France 5, importe Olivier Tom, TF1 répond avec Les Chevaliers du Zodiac, série qui deviendra le symbole de l'époque, précédée par la série Dragon Ball. Ces séries ont souvent été pointées du doigt pour leur violence. En réalité, elles n'étaient pas destinées au public auquel elles ont été présentées. Aujourd'hui, encore peu de chaînes diffusent des animés. On peut noter les chaînes J1 et Game1 qui diffusent activement en J+1 plus de 60 animés au 1er janvier 2017. Les spectateurs d'animés francophones, qui souhaitent regarder plus que ce que propose la télévision, se tournent de préférence vers des sites internet de diffusion en ligne comme Netflix par exemple, qui proposent un catalogue bien plus fourni que la télévision. Pour donner d'autres exemples de ces sites, nous pouvons citer Crunchyroll, ADN ou encore Wakanim. Mais comment ça se passe en Chine ? En Chine, la diffusion d'animés japonais débute avec Astro le Petit Robot dans les années 80, mais ne se développe réellement que dans les années 2000 avec des animés pour enfants comme Doraemon, Ikkyu-san, Détective Conan, Crayon Shin-chan ou encore Chibi Maruko-chan. Depuis 2006, la diffusion de dessins animés d'origine étrangère aux heures de grande écoute est interdite, ce qui a favorisé le développement d'un marché parallèle ainsi que le développement de la vente en ligne. Bien évidemment, tous ces animés, toutes ces productions n'auraient jamais pu être possibles sans les seiyuu. En effet, les seiyuu sont les comédiens et les comédiennes spécialisés dans le doublage des animés. Ils sont au Japon considérés comme de véritables stars et sont très populaires, par contraste avec le métier de comédien de doublage en Occident. Évidemment, une nouvelle fois, les animés sont réputés pour leur musique également. Les musiques d'anime, appelées Anison pour Anime Song, sont souvent éditées en CD séparés, singles et albums, à destination des fans des séries. Certaines musiques sont parvenues en tête du classement Oricon, qui est l'équivalent du top 50, tel que Are Are Yokai, qui est la musique de fin de Suzumiya Harui no Yutsu. Les artistes font aussi parfois des CD regroupant toutes les Anison qu'ils ont pu faire. La plupart des musiques d'anime sont tirées d'un titre ou d'un album, d'un groupe de J-pop, la pop japonaise, ou J-rock, le rock japonais du moment, sollicité au départ par les studios d'animation. Les morceaux présentés sont souvent plus courts, voire légèrement modifiés, par rapport aux morceaux originaux. Nous pouvons citer l'exemple du titre Tough Boy de Tomcat, générique de début de la saison 2 de l'anime Okuto no Ken. Le succès pour ces groupes dépend bien évidemment de celui de la série, mais est généralement au rendez-vous, au moins à court terme, bénéficiant ainsi d'une publicité inespérée. Les animés utilisent donc souvent des artistes de talent et parfois en découvrent, comme Asian Kung Fu Generation, révélé par Fullmetal Alchemist ou Orange Range. C'est ainsi que se termine cette deuxième et dernière partie sur le style animé. Dans la prochaine émission que vous entendrez la semaine prochaine, nous parlerons d'un tout autre style de cinéma, le cinéma fantastique. Comme toujours, je vous invite à nous partager votre avis sur ce nouveau numéro de la Christoire du cinéma sur notre page Facebook Radio Gemozo en nous appelant au 03 29 62 40 40 ou encore à venir nous rendre visite à la radio située à l'adresse 8, place de l'Hôtel de Ville à Saint-Étienne-lès-Remiremont. Nous serions ravis de vous lire, de vous répondre et de discuter avec vous. Merci d'écouter Radio Gemozo, c'était Chris, prenez soin de vous, c'est bien sûr le plus important, et je vous dis à la semaine prochaine. Bonne semaine à toutes et à tous.